de ta peau. Et les gouttes ruissellent le long de ton corps. Il fait froid et tu marches dans les flaques d'eau. Ton corps trempé, tu trempes, tu as froid. Notre regard dans le néant, tu te dis en toi-même que tu es la mer. Et moi je ressens encore l'infini. Il nous faut trouver la quoi.